des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le point de vue du criminel serait-il aussi intéressant que le point de vue du policier? Certains romans policiers, romans noirs, américains, pervertiraient-ils la jeunesse française? Qui pouvait bien juger Agatha Christie insupportable? Et pourquoi tous ces personnages débraillés physiquement et moralement? Genre secondaire et de seconde zone, il était temps, le 10 août 1949, sur la chaîne nationale, que la Tribune de Paris se penche sur le problème. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Pendant la période des vacances, au moins pendant les journées pluvieuses, il est permis de supposer que la lecture des romans policiers connaît un regain de faveur. Depuis quelque temps, un certain type nouveau de roman policier venu d'outre-Atlantique et qui se place lui-même sous le signe de la noirceur connaît une vogue telle qu'elle suscite déjà, de différents côtés, des réactions parfois violentes, réactions de moralistes ou réactions de puristes, fidèles du roman policier classique. Que faut-il penser du roman policier noir et des critiques qu'il soulève? Où est l'avenir du genre policier en général qui continue, c'est incontestable, à intéresser les foules? Telles sont les questions sur lesquelles vont s'affronter quelques spécialistes. Autour du micro sont réunis le traducteur Marcel Duhamel, directeur de la série noire des éditions Gallimard. Le colonel Brouillard, célèbre sous le pseudonyme de Pierre Nord, comme auteur de romans d'aventure. Le critique littéraire Armand Hogg. Et deux lectrices ferventes de romans policiers, Jeanne Monrobert et l'actrice Simone Signoret. Paul Perronnet va mener le débat. Le conflit, si conflit il y a, est entre deux traditions, du roman policier ou du roman criminel, peut-être. Le mot conviendrait-il davantage au roman contemporain dit noir. La première, c'est celle du roman policier classique, où le détective, étant donné un certain crime donné au premier chapitre, découvre au dernier chapitre le criminel. C'est la tradition illustrée en Angleterre par Agatha Christie, par Ellery Queen, par Edgar Wallace, par Stanley Gardner, par Chesterton, qui y a touché aussi avec son père Brown, illustrée en France avec pas mal de variantes cette fois, par Gaston Leroux, par Maurice Leblanc, par Georges Simenon, par Pierre Véry. Et en face de cela, on a vu naître, pendant ces dernières années, une tradition, je ne dis plus policière cette fois, mais criminelle, importée d'Amérique, bien que certains auteurs soient anglais, et qui est illustrée par des noms comme ceux de Chase, de Peter Cheney, de Chandler, d'Horace McCoy, etc., etc. Il y a là une différence assez sensible entre les deux, des moralistes, dont je rappellerai du reste qu'ils ont dû s'insurger déjà contre la première tradition policière, s'insurge encore davantage contre la seconde, lui reprochant son sadisme, lui reprochant de mettre en avant des héros destinés, je reprends le vieux terme bien connu, à pervertir la jeunesse. L'accusation est grave, je ne sais pas qui va l'amener, mais je donnerai peut-être d'abord la parole à la défense, Marcel Duhamel. Mon Dieu, moi je vais me borner tout simplement à vous parler de la série noire, enfin que... Ce que nous essayons de faire, j'en prends toute la responsabilité, je tiens à le dire. Je ne publie que des choses qui me plaisent et qui plaisent au moins à deux ou trois autres lecteurs qui nous ont lus avec moi. Nous cherchons simplement à distraire les gens et nous croyons que, à notre époque, ce que les gens demandent surtout, ce sont des choses d'un caractère ayant un caractère dynamique, assez violent et sensuelle même. Oui, bien entendu. Maintenant, vous placez-vous directement sur un plan, je dirais, littéraire pur, ou admettez-vous ce que, en France, on a admis pendant longtemps, ce que d'autres pays, comme l'Amérique, par exemple, admettent moins, que le genre policier est un genre secondaire, vous avez dit vous-même un genre distractif, enfin, de la littérature de seconde zone, que l'on lit uniquement lorsqu'on a une minute à passer et à laquelle on n'attache pas une importance extraordinaire. Non, absolument pas. En tout cas, en Amérique, je peux vous dire que le roman policier n'est pas considéré comme un genre mineur. Preuve en est que vous avez le premier de tous, enfin celui qui a lancé, si l'on veut dire le genre, c'est d'Achille Hamet avec La Clé de Verre, La Moisson Rouge, etc., qui était un très grand écrivain, ça je crois que personne ne le niera. Et puis il a été suivi depuis par Chandler, par Horace McCoy, Latimer et autres, qui sont tous d'excellents écrivains. Eh bien, l'accusation sera représentée, si vous voulez bien, par Pierre Nord, qui se fait ici le champion du roman policier classique. Je vous en prie. Quelques petites remarques. La première est que le roman policier noir s'est écarté de la tradition du roman policier, dans ce sens que le roman policier, tel qu'il nous a distrait pendant longtemps, était, en somme, avant tout, un roman policier problème, qui nous posait une énigme à résoudre, énigme que nous résolvions la main dans la main avec le policier, qui nous posait donc des éléments d'incertitude, de mystère, de trouble, etc., que nous ne retrouvons plus dans vos romans. J'avoue que ceci me manque un peu dans les excellents ouvrages que vous avez publiés. La deuxième remarque à laquelle on peut attacher une certaine importance est celle de... comment dirais-je, de l'espèce d'appel à un certain sadisme qui est en nous, que font la plupart de vos auteurs. Là, il est possible, il est certain même, que parmi les plus civilisés d'entre nous, il subsiste un certain sadisme latent. Enfin, vos auteurs l'ont peut-être un petit peu trop satisfait. Quelles conséquences cela peut-il avoir? Je ne suis pas un moraliste, je n'en sais rien, mais il y a tout de même là quelque chose de troublant, je crois. La troisième remarque, et c'est peut-être la plus importante, personnage central classique de l'ancienne littérature romanesque d'aventure, qui était devenu au XIXe siècle, au siècle de la raison, le policier, après avoir été le représentant du mystère, l'ancien chevalier, en somme. Ça a été D'Artagnan, notez bien, il y a deux siècles, et ça a été ensuite le policier, le représentant des puissances du bien, qui confondait et détruisait les puissances du mal. Oui, il y aurait évidemment beaucoup à dire sur ce plan, mais peut-être ne le dirons-nous pas si Simone Signoret veut le dire. Je sais pas, il y a eu les corsaires aussi. Et vous préférez visiblement les corsaires aux policiers. Ah oui, oh là là, bien entendu. Moi aussi, n'est-ce pas, D'Artagnan, les corsaires... Ah oui, mais D'Artagnan, c'était quand même un soldat du roi. Certes, oui. Les corsaires, on s'en servait, parce qu'au bout d'un moment, on était tellement puissants qu'on s'en servait. Mais enfin, à la base, ils n'étaient pas des gens qui avaient rejoint un régiment. Ils étaient des gens qui étaient corsaires, parce qu'ils avaient envie de monter sur des bateaux, et puis de voler de l'or, et puis c'était ça qu'ils avaient envie de faire. Contre toutes les lois sociales de leur temps, et après ça, Urbain est devenu un grand personnage. Certainement, madame Signoret, certainement. Seulement, voyez-vous, du point de vue romanesque, on nous décrivait toujours l'histoire en nous plaçant, en plaçant le lecteur, du point de vue de ce personnage-là, de ce héros. Et très souvent, dans les romans de la série noire, l'on se place pour décrire l'histoire, pour nous faire voir l'histoire, du point de vue du criminel. Ce qui, alors, est un changement que, pour ma part, je regrette. Vous me permettrez, puisqu'il s'agit d'œuvres surtout américaines dans la série noire, n'est-ce pas, de parler du mythe du héros américain dont le plus représentatif était, je crois, Buffalo Bill, au siècle dernier, enfin au début du siècle. Oui, un héros de la raison d'État, puisqu'il tuait des Indiens. C'est ça, c'est un des motifs dont je conteste la valabilité. Et, en tout cas, toujours est-il que Buffalo Bill était le grand héros américain. Or, il se trouve, je sais... Par exemple, par l'autobiographie de Frank Darbois, un de ses camarades de jeunesse, n'est-ce pas, il a complètement déboulonné le personnage. Vous comprenez, c'était un mythe pur. Alors, Buffalo Bill n'existait pour ainsi dire pas en tant que héros. C'était un ancien garçon boucher qui n'a jamais vu, ou du moins que de loin, des Indiens, qui n'en a jamais tué, en tout cas, ce qui est tout à son honneur, je m'empresse de dire. Qui a tué des buffles, mais ça c'est à la portée de tout le monde, parce que les buffles sont... Au moins quand on a des buffles sous la main. Oui, quand ce sont des objectifs grands comme des portes cochères, surtout il y en avait des milliers à la fois, alors il tirait dans le tas simplement, on le mettait à son compte. Oui, mais alors c'est trois. À ce compte-là, si nous creusons par trop, je me demande si un historien ne va pas découvrir un de ces jours que D'Artagnan était vraiment le dernier des pauvres types. Non, voyez-vous, nous nous situons là sur un plan qui est, je crois, le plan sur lequel il faut nous situer, qui est celui justement du héros que l'on présente à la masse. Et... Le héros d'imagination, le héros malgré tout de littérature facile. Ce qui compte, c'est le mythe. Or, vous avez cité un certain nombre de noms, D'Artagnan, les corsaires, Buffalo Bill, etc. Je remarque que tous ces héros-là étaient des héros dépassés par l'histoire, c'est-à-dire se situant dans un milieu qui n'était absolument plus le milieu dans lequel vivaient les lecteurs de ces aventures. Par conséquent, La nocivité sociale ou morale, puisqu'il faut bien d'une façon ou d'une autre se placer sur ce terrain-là, la nocivité sociale ou morale de l'entraînement que pouvait donner tel ou tel aspect du héros était singulièrement atténuée par justement ce décalage historique. Avec le roman criminel, avec le roman policier, au contraire, on est en plein dans le bain, le lecteur peut toujours rencontrer au coin de la rue soit le criminel, soit le policier. Armand, j'aurais bien des objections à faire au type de héros qui fournit les volumes de la série noire, mais il y a en tout cas une chose dont je lui serais toujours reconnaissant, et je ne serais pas ici de l'avis de Pierre Nord, c'est qu'il me paraît ne ressembler en rien à ce type de héros rationaliste, qu'ancien, causaliseur et finaliseur, à cette espèce de philosophe et de professeur, n'est-ce pas, qu'était le héros de l'ancien roman policier, était que sont encore les héros de l'insupportable, je parle pour moi, de l'insupportable Agatha Christie. Je trouve que ce qu'il y a de, tout de même, en fait, de très enrichissant dans la nouvelle formule du roman de la série noire, c'est qu'elle présente la vie non pas comme un entrelacs de causes, de raisons, d'énigmes, de problèmes mathématiques, qu'il faut résoudre, n'est-ce pas ? Je me souviens par exemple d'un roman qui remonte à 15 ou 20 ans et dont le titre m'échappe, où le criminel était, si je ne me trompe, un fauteuil porte-poignard à ressort. Et puis il y a aussi les horloges qui tirent des coups de pistolet. L'abandonne. Oui, c'est ça. Mais enfin, à ce roman mathématique, oui, bien sûr, à ce roman mathématique et rationaliste succède une psychologie qu'on peut contester, et peut-être du point de vue de la morale, mais qui tout de même ressemble plus à la psychologie réelle de la vie courante et des hommes que nous sommes. Oui, il y a un point que nous n'avons pas encore abordé et qui est, je crois, assez important lorsqu'on envisage la série de romans traduits par Marcel Duhamel. Ils ont au moins un point commun, c'est une certaine forme d'humour, d'humour très anglo-saxon et très américain, une certaine familiarité humoristique avec la violence qu'a le héros, quel qu'il soit. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez neuf et d'assez important. Marcel Duhamel. Je crois que ce qui intéresse surtout les gens dans les héros de la série noire, c'est que ce sont des gens qui agissent. À notre époque exige de l'action, est intéressée par l'action. Et puis, en dehors de cela, il y a aussi la question du dialogue, n'est-ce pas ? Ils parlent un langage vrai. En cela, ils sont plus vrais que la plupart des personnages des anciens romans policiers. Leur langage est... c'est le langage populaire, le langage de la rue, argotique parfois même, et toujours avec un brin d'humour, un rien d'humour. Ils ne sont pas perpétuellement... ils ne sont pas figés, comprenez-vous ? Ils changent, ils sont nuancés. Bon, tout le monde demande la parole à la fois. Alors, Pierre Nord, je vous en prie. Eh bien, certes, ce côté d'action dans vos romans est ce qui fait que, je l'avoue bien franchement, je les lis. Mais je les lis comme il m'arrive quelquefois de sentir le besoin d'un petit coup d'alcool, ça je l'avoue. Mais derrière l'alcool, on oublie un détail, il est très important aussi, il coule à flot, plus largement que le sang. Seulement alors, pourquoi ? Ils ont incontestablement le sens de l'action, vos personnages, les auteurs qui ont créé vos personnages. Mais pourquoi sont-ils aussi débraillés physiquement, moralement aussi bien souvent ? Est-ce que vous ne croyez pas que des gens mus par des idées beaucoup plus généreuses, beaucoup plus importantes, ont eu dans les années que nous venons de passer des vies tout aussi mouvementées que vos personnages, parmi lesquels il n'y a pas que des voyous, entendons-nous bien, mais parmi lesquels il y a tout de même beaucoup de voyous. Mais oui, tout le monde n'a pas eu la chance d'être policier salarié. Simone Signoret, maintenant. Moi, je voudrais savoir comment M. Pierre Nord peut savoir que les voyous et les schnappants qu'on nous présente comme des héros n'ont pas aussi d'excellentes raisons pour être devenus les voyous et les schnappants qu'ils sont. Parce qu'après tout, c'est de la littérature d'après-guerre. Et je ne sais pas si l'instruction, par exemple, des troupes de choc à qui on apprend les 31 meilleures façons de tuer son bonhomme, une fois que les troupes de choc n'ont plus de travail, ils n'ont pas aussi, eux, quelque chose de devenir de prendre crapule. Ça a donné un film américain qui s'appelait On lui donnait un fusil et qui était excellent. Marcel Duhamel. Les personnages de la série noire, en général, ne sont jamais gratuits. Ce sont les circonstances sociales, n'est-ce pas, qui les ont amenés là et à faire ce qu'ils font. Madame Monrobert. Oui, d'autant plus que ce qu'il y a, à mon avis, d'intéressant dans la série noire, c'est la peinture de la société américaine. C'est la peinture de cette police qui est généralement pourrie. Il suffit de glisser un petit... nous ne savons pas ce qui se passe en France. Nous parlons actuellement de ce que nous révèlent les héros de la série noire. N'est-ce pas ? Nous voyons les héros de la série noire débraillés, mais dans quel milieu se trouvent-ils, n'est-ce pas ? Et ce qui est amusant, à mon avis, moi, ce qui m'amuse en tant que lecteur de la série noire, c'est cette espèce de brassage général, de ce mouvement qui se entre toutes les races différentes, n'est-ce pas? Et c'est cette espèce de d'humour, de tranquillité, de bonne franquette avec laquelle le héros passe à travers les expériences les plus épouvantables. Passe à travers les balles, les crimes, etc. Et se représente le lendemain chez les gens qui l'ont torturé la veille en leur offrant le bracelet qu'il est venu leur prendre, n'est-ce pas? Et le double whisky. Et le double whisky. Il y a, là, il faut penser, il n'y a pas que le héros qui joue. Là, à mon avis, il y a l'auteur qui joue. L'auteur n'est pas un auteur assis dans un fauteuil et qui n'a jamais rien vu de ce dont il parle. Les auteurs américains sont des auteurs qui, eux, comme Steinbeck est allé à la cueillette des pêches, n'est-ce pas? Et comme tel autre. Protestation de Pierre Nord. Protestation silencieuse pour le moment. Mais je vais la signaler. De même qu'un autre a voyagé sur les bogies d'un train, n'est-ce pas, pour être en communication avec les gars qui faisaient le voyage de cette façon et pour pouvoir parler leur langage. De même qu'un auteur comme Horace McCoy a été crieur de journaux et a fait une série extraordinaire de métiers avant de devenir journaliste, cinéaste, etc. Ce sont des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent et c'est ça qui est amusant et c'est ça qui donne ce côté vivant aux ouvrages qu'on appelle noirs, n'est-ce pas, qui sont censés... Armand, je veux faire une réponse précise à Pierre Nord qui reproche, non sans quelques raisons, au héros de la série noire de n'avoir pas d'activité, de ne pas se trouver du bon côté, enfin de ne pas être moraux. Il faut tout de même pas oublier, je le rappellerai à Pierre Nord qui a écrit d'excellents romans d'espionnage que nous connaissons tous, qu'un certain nombre des ouvrages de la série noire sont aussi consacrés à ces problèmes. De quoi se marrer, par exemple, c'est un titre que je cite, de quoi se marrer que l'on dit que notre président du Conseil lit avec tant de sympathie, et bien de quoi se marrer, c'est une histoire où les bons Allemands sont battus à la fin par les méchants Américains. C'est-à-dire qu'il y a tout de même enfin, une certaine dose de patriotisme dans le jeu. À moins que ce ne soit l'inverse, non? Ce serait plutôt les mauvais Allemands vaincus par j'ai les... Dit, oui, l'auditeur a lui-même. Pierre Nord? Je ne dis pas que tous les romans de votre série, M. Duhamel, répondent à ces critiques que j'ai faites. Mais tout de même, regardez, chose frappante. Je vais commencer par vous dire, et là je vous permets de marquer un point important. Je les ai tous lus. Mais les titres qui m'ont le plus frappé et que j'ai pu vous sortir tout à l'heure instantanément sont précisément des romans dans lesquels le point d'observation duquel se place le narrateur est toujours celui du criminel. Et ce sont ceux qui m'ont le plus frappé parce qu'ils étaient les meilleurs. Si vous voulez bien, nous n'allons pas dire de titres, n'est-ce pas? Oui, mais je vous en ai cité trois, souvenez-vous. Eh bien, précisément. Mais j'ai bien fait tout à l'heure de ne pas parler de roman policier, mais de dire le roman criminel. Toutefois, le point c'est de Marcel vue... Duhamel qui prend la parole. Toutefois, le point de vue du criminel me semble au moins aussi intéressant que le point de vue du policier. Par ailleurs, puisqu'on aborde la question morale, je prétends que les romans de la série noire ne sont pas plus nocifs, loin de là, que la plupart des romans de la Bibliothèque Rose, où il est toujours question de flagellation de petites filles et autres histoires, n'est-ce pas? Pauvre comtesse de Ségur. Et même dans des chansons telles que... dans les contes de Perrault, dans les chansons telles que Saint-Nicolas. L'ogre, le petit poussé. C'est ça, les trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, ou l'effroyable boucher, n'est-ce pas, qui vient demander l'hospitalité, les coupe en petits morceaux, et puis les Oui, c'est vrai, il n'y a pas de miracle dans mon roman, il n'y a pas de miracle pour les ressusciter dans les romans de la série noire. Oui, et le chevalier dans l'affaire du Saloir, ça n'est pas le policier, mais c'est Saint-Nicolas. Ah, bien sûr. Marcel Duhamel, Armand Hogg, Jeanne Monrobert, Pierre Nord et Simone Signoret ont confronté les mérites respectifs du roman policier traditionnel et du roman policier noir. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Cette tribune de Paris, animée par Paul Perronnet, a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 août 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.